La soirée des jeunes étudiants consacrée au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, ce thème « Honneur éternel à la Grande Corée du Soleil » s'est déroulée le soir du 15 avril à la place Kim Il-sung. On prit place sur la tribune d'honneur Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le sous-maréchal Pham Byung-so, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, le premier ministre Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, d'autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les vice-premiers ministres et les présidents du parti pour les provinces, Kun Suni, conseiller du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Choi Eun-bo, président de l'Association générale des Coréens en Chine, Kim Gil-sung, président de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis, Kim Chil-sung, premier vice-président de l'Alliance internationale des Coréens pour la réunification. Au siège des invités, il y avait les délégués aux cérémonies pour le 105e anniversaire du président, les cadres des organismes du parti, des forces armées, du pouvoir, des organisations des travailleurs, des ministères, des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les méritants, les corps de félicitations et délégations des ressortissants coréens, notamment les Coréens au Japon, les compatriotes d'outre-mer et le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les couples des représentants diplomatiques et institutions internationales et des attachés militaires, les diplomates, les autres étrangers en Corée pour participer à la cérémonie de la Journée du Soleil et en séjour en mission. Les feux d'artifice ont décoré le ciel nocturne comme pour bénir l'avenir de la puissance de la jeunesse en essor dynamique et les jeunes étudiants ont dansé au rythme de la fanfare et des chants tels que « Nous irons au Mont-Bektou, le socialisme en progrès », etc. Les ressortissants coréens et les autres étrangers venus pour célébrer le 15 avril comme la fête commune de l'humanité ont également dansé avec les Coréens.